Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour cette émission, le calendrier des esclavages et des libérations. Alors ce soir au programme, eh bien Adrien Quatennens qui nous parlera de Rouen. Ensuite André Sicolella, chimiste, nous parlera de l'incendie de Rouen et de ses conséquences du point de vue d'un chimiste spécialiste de la prévention des maladies professionnelles. Ensuite, Antoine Léaumont nous parlera du quotidien et du journalisme. 42 sites classés Céveso en Lorraine, vous saviez ça? Eh ben oui, on en apprend tous les jours, hein. RDA Marcus Wolf, l'homme sans visage. C'est un document de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Marcus Wolf, l'homme sans visage. Ensuite, les retraites, tous perdants. Raoul de Godvarsvel nous chantera la fanfare municipale pour nous consoler d'être toujours dans le clan des perdants. Hein. Le discours de Greta Thunberg à l'ONU. Le média orgie fiscale des multinationales. Adrien Quatennens nous parlera des sites Céveso. Il y a beaucoup de sites Céveso en France. On ne le dit pas, on ne le dit pas assez, pas forcément aux bonnes heures, aux heures où on pourrait entendre les choses. Et puis, centrale nucléaire, eh bien, le démantèlement impossible. Ce sera le premier épisode d'un long feuilleton, hein, le démantèlement impossible des centrales nucléaires. Voilà. Bonne soirée quand même. Oui, ben oui, je passe aussi et surtout des mauvaises nouvelles. Excusez-moi, j'aimerais bien en passer des bonnes, mais nos gouvernants ne nous laissent pas le choix. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 14 octobre? Et le 14 octobre 1492, par exemple, aux Bahamas. Journal de Christophe Colomb. Deux points, ouvrons les guillemets, c'est Christophe Colomb qui parle. Un vieillard monta sur notre bateau, et les autres appelaient les habitants avec les mots « Venez et regardez les hommes qui viennent du ciel et apportez-leur nourriture et boisson. » Fermons les guillemets. Des foules d'hommes et de femmes s'approchèrent, chacun portant quelque chose. Ils remerciaient Dieu en se couchant à terre, en levant les bras et en nous invitant gentiment à mettre pied à terre. C'est ainsi que commence le génocide des Indiens d'Amérique latine, qu'avaient accueilli à bras ouverts les gens venant d'Europe. Hein. 1710, France, Louis XIV, établit l'impôt du dixième. 1917, Russie, Lénine lance un appel aux ouvriers, aux paysans et aux soldats, en vue de renverser le gouvernement Kerensky et de remettre le pouvoir aux soviets, c'est-à-dire les conseils des députés ouvriers, soldats et paysans. 1930, Allemagne. Début d'une grève de 2 semaines dans la métallurgie du Nord. 126 000 travailleurs protestent contre l'intention du patronat de baisser le salaire minimum. La grève s'arrêtera lorsque les abaissements prévus seront supprimés. Nous sommes en 1930 en Allemagne, hein, voyez à peu près. Bon, 1933, Autriche, dernier congrès légal du Parti social-démocrate avant le nazisme. 1943, Allemagne, révolte du commando de travail chargé de débarrasser les morts dans le camp de concentration de Sobibor, où 300 000 déportés avaient été gazés en 18 mois. Après une bataille terrible, 300 sur 600 prisonniers réussissent à s'échapper. Mais beaucoup meurent dans les champs de mines entourant le camp. Les Juifs restants seront fusillés. 1947, France. Le métro parisien s'arrête. À 3 heures du matin, la police chasse les grévistes du dépôt Championnet. 1958, Madagascar. Proclamation de la République autonome malgache avec participation à la communauté française. 1963, France. Suite au licenciement, les mineurs de fer de Trieux décident d'occuper le fond. Ils resteront 79 jours à 250 mètres sous terre pour, entre guillemets, défendre la Lorraine. 1963. 1973, Thaïlande, manifestation étudiante pour la restauration d'un gouvernement civil. 1977, Nicaragua, déclaration du mouvement des 12. Nous lançons un appel à tous les Nicaraguayens conscients pour qu'ils apportent une solution nationale au problème angoissant du Nicaragua. Somoza les accuse d'apologie du crime et d'association subversive de délinquants. Ils seront obligés de quitter le pays. 1982, Portugal, journée de lutte déclenchée par la Confédération générale des travailleurs portugais pour la défense du secteur public. Adrien Quatennens. Bonjour. Le gouvernement a donc publié hier la liste précise de tous les produits qui ont brûlé jeudi dernier à Rouen. Le gouvernement qui dit qu'il n'y a pas de danger pour la santé. Est-ce que vous êtes rassuré ce matin ? Non. Et je crois que les Françaises, les Français, les Rouennais en particulier, mais aussi celles et ceux qui habitent dans les régions où ont été constatées des retombées de suie, ne le sont pas pleinement. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est se situer par rapport à cet événement. Nous venons de vivre, en quelque sorte, la catastrophe industrielle la plus importante depuis l'explosion de l'usine AZF en 2001. Le problème que nous avons, c'est que tout ce qui a été dit depuis ces cinq jours, en réalité, apparaît comme étant contradictoire avec les mesures de prévention qu'il y a eu sur place. Par exemple, quand on dit qu'il y a 112 communes concernées par des mesures conservatoires, qu'on dit que les agriculteurs vont être potentiellement indemnisés pour les pertes que l'on peut imaginer, c'est bien que l'on craint une nocivité. Bon, là, on voit hier la liste qui a été publiée, on a 5 253 tonnes de produits qu'on brûlait, ce qui montre aussi d'ailleurs les quantités astronomiques de produits chimiques que brasse cette industrie. Les scientifiques qui prennent la parole depuis hier, puisqu'on a une liste d'abord qui donne à voir les fonctions des agents qu'on brûlait. Puis après, on regarde un peu plus précisément leur composition et ils nous disent qu'on peut pas affirmer aussi nettement que l'a fait le gouvernement que ça n'est pas nocif. Et puis, si on dit d'un côté que la qualité de l'air n'a pas été dégradée, alors pourquoi les gens ont-ils ressenti ces nausées, ces vomissements? Se pose la question aussi. Désagréable, mais pas nocif. Oui, mais vous savez, il y a aussi, et d'ailleurs les médecins le disent, il y a aussi des produits qui, lorsqu'ils sont en combustion, ne produisent pas particulièrement d'odeur, et pour autant le fait qu'il soit inodeur ne préfigure pas du caractère inoffensif de ces produits. Moi j'ai la désagréable impression, si vous voulez, qu'il y a un espèce de calcul bénéfice-risque qui consiste de la part peut-être du gouvernement à dire, puisque de toute façon maintenant ça a été fait, pourquoi inquiéter davantage la population? Moi je crois que la même manière qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas d'inquiétude sans raison. Voilà, les gens qui ressentent une inquiétude ont des raisons de la ressentir. Je crois que les Français sont prêts à entendre la vérité pour le peu qu'on la leur dise. Voilà ce qu'il faut dire. Et justement, pour rechercher cette vérité, Adrien Quatennens, la France Insoumise réclame l'installation d'une commission d'enquête parlementaire. Ce matin, je vous propose de l'écouter, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, était l'invitée de France Info. Elle vous a répondu. Les parlementaires ont évoqué la création d'une commission d'enquête. Moi, je serai auditionné devant la commission du développement durable cet après-midi. Si les parlementaires souhaitent une commission d'enquête, évidemment, on leur donnera tous les éléments. Le gouvernement est prêt à la constitution d'une commission d'enquête? Il le faut. Je regrette que le gouvernement... Donc le gouvernement joue la transparence. Écoutez, le gouvernement, en tout cas, a mis 5 jours pour fournir la liste de ces produits. Alors j'entends qu'il fallait pouvoir évaluer la quantité de stock. On nous parle aussi, et c'est important... Je vous interromps, parce que Elisabeth Borne, à qui on a posé la question tout à l'heure, a dit « la liste, je l'ai depuis hier ». Oui, et uniquement hier, oui, donc alors, nous l'avons mis. Non, la liste qui est ouais, disponible depuis hier, c'est la liste des quantités qu'il fallait pouvoir évaluer. Et des 400 produits différents. C'est oui, ce qu'elle nous a dit. Alors, en tout cas, la liste, on ne pouvait pas la donner publiquement précédemment parce qu'il y a des raisons de sûreté. C'est ce qui a été évoqué hier par le gouvernement. Mais pour autant, les industriels sont tenus de faire un inventaire très précis des produits et de leurs quantités sur place. Donc, mais la commission d'enquête va avoir plusieurs intérêts. D'abord, de savoir finalement ce qui s'est produit exactement, les conséquences que ça a, mais surtout faire en sorte que ça ne puisse plus arriver, parce que ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on a en France beaucoup de sites Seveso, beaucoup de sites donc dangereux, et on a depuis ces derniers temps, notamment beaucoup en 2018, un assouplissement régulier des règles. Et ça, il faut l'expliquer quand même aux Français, c'est que par exemple 3 jours avant l'incendie de Rouen, le Premier ministre Édouard Philippe annonçait un grand plan de simplification des règles, notamment d'installation de projets industriels, par exemple en disant que les travaux doivent pouvoir commencer dans le cadre d'un projet industriel sans attendre l'autorisation environnementale. J'alerte sur le fait que même Ineris, qui est l'organisme chargé de faire tous ces contrôles sur les risques industriels, nous explique qu'aujourd'hui, en gros, un agent contrôle 420 sites. On a eu, à mesure des années qui viennent de s'écouler, et notamment beaucoup en 2018, un assouplissement des règles qui font qu'il y a beaucoup moins de contrôle, qu'il y a beaucoup moins de capacité à contrôler. Ineris dit, pour que tout ça soit tenable, il nous faudrait 200 agents supplémentaires. Vous dites le ministère un agent pour 420 sites. Un agent pour en contrôler gros, aujourd'hui, 420 sites. Un agent est en capacité, en moyenne, de contrôler à peu près 420 sites. Ineris dit l'organisme dit lui-même, il nous faudrait 200 agents de plus pour que la situation soit tenable. De la même manière, j'alerte votre attention sur ce fait, c'est que le ministère de l'Environnement voit aussi ses postes supprimés. On nous dit encore 5000 suppressions de postes potentielles d'ici à 2022. Rien que dans le budget que nous allons commencer à discuter à l'Assemblée nationale, c'est plus de 1000 postes en moins. Donc on voit bien qu'il y a une dégradation des moyens de contrôler, un assouplissement des règles finalement industrielles et une responsabilité aussi des industriels. Faut rappeler quand même que l'usine Lubrizol, elle est détenue par un fonds d'investissement qui appartient à Warren Buffett, qui est le milliardaire américain, la troisième richesse du monde. Adrien Quatennens, est-ce que c'est ce groupe qui doit aujourd'hui payer les dégâts et notamment indemniser les agriculteurs? Ils sont déjà 1800 sinistrés à qui on a demandé d'arrêter les récoltes, d'arrêter pour ceux qui font du lait de vendre leur lait. Est-ce que c'est le groupe qui doit payer ou est-ce que c'est à l'État d'indemniser? Le groupe a effectivement des responsabilités. Alors après, l'enquête va déterminer quelles sont les origines de l'incendie. Mais mais de toute évidence, il y a d'abord une responsabilité de l'industriel qui doit effectivement payer. Nous avons besoin encore à cette heure que toute la lumière soit faite, que toute la vérité soit faite. Par exemple, au-delà du fait de savoir quels ont été les produits qu'on brûlait, nous n'avons pas encore de certitude quant à la composition des suies, ni d'ailleurs jusqu'où les retombées se sont faites. Moi-même, voyez, ce week-end à Lille, dimanche, j'ai été témoin personnel, sous mes Velux qui sont en pente dans mon appartement, qu'à mesure que la pluie tombait pendant l'après-midi de dimanche, il y avait sur mes fenêtres à Lille, trois jours après les événements, des dépôts de poussière que j'ai signalé à la préfecture, parce que jusqu'à présent, il y avait eu très peu de témoignages. Moi, si j'ai vous vu écoute ça, bien, Adrien Quatennens, vous doutez de la parole du gouvernement, mais vous ne doutez pas de la parole des scientifiques. Il faut s'appuyer sur les avis des scientifiques. Mais de toute évidence, et précisément ce qui n'est pas en mesure de rassurer de manière significative, c'est que depuis la publication de la liste des produits hier, les scientifiques qui prennent la parole, y compris ce matin sur les diverses antennes, disent effectivement peut-être que le Premier ministre a parlé un peu tôt lorsqu'il a dit « c'est pas nocif ». Vous voyez, moi je pense que c'est pas rassurer qui est le plus important. C'est d'abord dire la vérité. Vous savez, les Français, ils ont dans l'imaginaire collectif l'expérience de... qu'on ne sait pas quand on ne sait pas encore. Oui, mais donc quand on ne sait pas encore, par définition, vous comprendrez qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de nocivité quand on n'en est pas sûr. Et j'ai compris quand la parole des scientifiques vient la contredire après. Pour réagir à vos propos, la dernière déclaration de la ministre de la Santé qui semble pas exactement sur la même ligne que ce qu'a dit ce matin Elisabeth Borne, Agnès Buzyn, aujourd'hui personne ne sait, dit-elle, exactement ce que donnent ces produits mélangés lorsqu'ils brûlent. Une petite nuance par rapport à ce qu'on a entendu ces derniers jours. C'est-à-dire que ce qui est effectivement aussi responsable de l'inquiétude et de la colère des habitants de Rouen, c'est qu'ils voient bien que les discours ne sont pas les mêmes depuis 5 jours, qu'on a eu d'abord dans un premier temps des discours extrêmement rassurants qui ont été en contradiction avec les mesures conservatoires qui ont été prises. Moi je le dis, le but ça n'est pas de rassurer pour rassurer. Les Français sont en mesure d'entendre la vérité. Il y a eu le précédent quand même, je le disais à l'instant, dans l'imaginaire collectif, a été très fort, de Tchernobyl. On avait expliqué aux Français que le nuage s'était, comme par miracle, arrêté à la frontière. Les Français sont en capacité d'entendre la vérité. Il faut qu'on leur dise, il faut qu'on puisse dire quelles sont les conséquences sur la santé. Je pense aussi... C'est pas du même bord que Tchernobyl, quand même. Et bien évidemment, mais en tout cas, il faut pas, faut arrêter de faire semblant que finalement, rien ne serait grave, alors qu'a priori, on n'était pas en capacité de le dire immédiatement. Regardez, vous avez aussi les secours qu'il faut saluer, qui ont été d'une abnégation totale dès la nuit de l'incendie et qui aujourd'hui s'interrogent parce qu'ils sont arrivés sur place avec des moyens de protection qui sont assez dérisoires et qui nous disent, on a des collègues qui ont connu les vomissements, les nausées. Bon, tout ça n'est pas anodin. Il faut pas chercher à inquiéter outre mesure. C'est pas ce qu'on essaye de faire. Il s'agit pas d'agiter une peur irrationnelle, mais pas de rassurer à tout prix pour rassurer. Les Français veulent d'abord et avant tout la vérité et ensuite notre travail et le travail de la commission d'enquête, ce sera de savoir ce qu'il s'est passé et comment on peut l'éviter à l'avenir et faire aussi le bilan de ces politiques, je l'ai dit, qui ont vu finalement se restreindre les capacités à contrôler, les moyens pour contrôler et les règles, notamment liées aux industriels. Dans un instant, Adrien Quatennens, vous nous direz si vous soutenez les policiers qui manifestent aujourd'hui, mais d'abord à 8h41, le rappel de l'actualité avec Soizic Bourg. Aucun des produits recherchés lors des analyses... Et tout est plus clair. Adrien Quatennens, les policiers s'apprêtent à défiler aujourd'hui à Paris pour ce qui sera sans doute l'un des plus gros rassemblements depuis une vingtaine d'années. Vous êtes avec eux ou contre eux ? Ouais, les choses sont pas aussi binaires. Faut entendre la colère des policiers. Voilà, elle est réelle dans ce pays. Vous savez que les policiers ont des millions d'heures supplémentaires qui ne le sont toujours pas payées. On a effectivement des conditions de travail qui sont dégradées. Je pense par exemple à l'état des commissariats. Et puis surtout, on a cette vague impressionnante de suicides dans la police qu'il faut noter. La France Insoumise a demandé, notamment par la voix de mon collègue Alexis Corbière à l'Assemblée nationale, qu'il y ait une commission d'enquête qui soit créée sur cette vague de suicides au sein de la profession. Donc évidemment que en ce qui concerne les conditions de travail, il faut entendre cette colère. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité dans le malaise actuel de la police, à la fois dû aux images lors de la perquisition du siège de la France Insoumise et dû aux derniers propos de Jean-Luc Mélenchon, les qualifiant eux ou leurs responsables, on va peut-être en reparler, de barbares? Non, très franchement, je crois que la colère qu'expriment les policiers aujourd'hui est d'abord et avant tout liée à leurs conditions de travail dégradées, aux ordres qui leur sont donnés, parce que y compris quand et on a vu... Et au fait de se sentir parfois détesté. Non mais, vous savez... il s'agit pas de détester la police. D'abord, à chaque fois que nous mettons en cause, y compris la doctrine de maintien de l'ordre, il faut que les policiers de ce pays entendent que ce ne sont pas eux qui sont visés. Nous, politiquement, nous mettons en cause les donneurs d'ordre. Et le premier d'entre eux, Christophe Castaner, qui a tout de même à son bilan de ministre de l'Intérieur, dans le cadre d'opérations censées maintenir l'ordre, lors des manifestations des Gilets jaunes, une vingtaine de personnes éborgnées, 5 mains arrachées, plusieurs personnes qui sont décédées. Bref, c'est un bilan qui est désastreux. désastreux. Et ce sont les donneurs d'ordre qu'il faut mettre en cause, pas les policiers directement. Alors après, se sont dénigrés. Les policiers se sentent dénigrés, y compris parce qu'ils sont pris partie chaque samedi près d'un an. Oui, mais si vous voulez, moi, de la même manière que je peux entendre leur colère, que je constate moi-même la dégradation de leurs locaux, de leurs conditions de travail, dire cela. Et d'ailleurs, la France Insoumise propose des solutions pour cela. Nous avons un programme. On nous a dit parfois, certains syndicats de police nous disent oui, à la France Insoumise, il y aurait une haine anti-flic, mais c'est absolument irrationnel. D'ailleurs, il y a tellement pas de vous haine, aimez la police, mais il y a tellement pas de haine anti-flic, si vous voulez, que nous voulons recruter 10 000 policiers supplémentaires. Voilà, donc faut arrêter à un moment donné ces caricatures. Nous voulons réhabiliter l'idée. D'ailleurs, non pas parler de force de l'ordre. Nous voulons réhabiliter parce que ça convient à notre doctrine en matière de sécurité à la France Insoumise. Le terme de gardien de la paix. On a entendu. Et de la même manière que je peux dire, si vous voulez, que les conditions de travail de la police se sont dégradées, je ne serai jamais, je m'empêcherai jamais de dénoncer, y compris à votre micro, les dérives qu'il peut y avoir, les violences policières que l'on peut constater, qui sont un fait. Enfin, la France est le pays, le seul pays qui, le 21 septembre, s'est rendu coupable de réprimer des manifestations pour le climat. Ça ne s'est vu dans aucun des milliers de pays dans lesquels il y a eu ces marches pour le climat. Vous parliez de la haine anti-flic qui a pu s'exprimer ces derniers mois. Par exemple, en marge de certains cortèges des Gilets jaunes venant des Black Blocs, ce qu'on appelle les Black Blocs, on a entendu fréquemment ce slogan « Tout le monde déteste la police ». On entend ce slogan dans la rue depuis des mois. Qu'est-ce que vous en pensez de ce slogan ? Mais vous le condamnez sans appel ? C'est un slogan que je n'utiliserai jamais, et que personne à la France Insoumise. Mais si vous voulez, je peux le condamner, mais à quoi ça sert? Est-ce qu'il vous choque, ce slogan? Ce qui me choque, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai soutenu le mouvement des Gilets jaunes, puisque c'est l'implication du grand nombre dans la chose politique, avec toutes les contradictions que cela peut rencontrer, toutes les imperfections de ce mouvement. Mais je crois qu'il était salutaire de le soutenir, parce que ce que ça dit de la mobilisation dans le pays est important. Vous savez, j'ai vu des gens... C'est pas ma question, hein. Oui, mais je vais vous répondre, c'est important, vous allez voir. C'est moins binaire, sans doute, que la réponse que vous attendez, mais j'ai vu des gens entrer dans ce mouvement avec la conviction chevillée au corps de la nécessité d'être pacifique et non violent. C'est toujours mon avis. Moi, j'ai choisi mon camp là-dessus. Je crois à l'action de masse, et pour cela, je crois à l'action non violente. Mais j'ai vu les mêmes personnes, plusieurs mois après, face notamment aux consignes absurdes qui ont été passées, aux ordres absurdes qui ont été donnés, et tout ce qu'on a vu en termes de dérives et de violences policières, j'ai vu les mêmes personnes, et face aussi à l'arrogance du gouvernement, les mêmes qui disaient au départ « il faut être non violent », finir par s'impatienter et me retrouver moi et dire « Adrien Quatennens, on n'y croit plus, nous, aux manifestations pacifiques ». Eh bien, je mets aussi en cause la doctrine de maintien de l'ordre de ce gouvernement qui crée le fait que des citoyens finissent par basculer dans la violence. Moi, je suis pour une politique de la désescalade. Voilà pourquoi, par exemple, quand il s'agit de parler de la fonction publique et de la police, je parle de gardien de la paix et d'une doctrine de désescalade que nous avons développée dans notre programme avec la France Insoumise et que nous défendons et que les policiers doivent pouvoir entendre. Alors après, qu'il y ait quelques syndicats de police qui nous aient pris en grippe, je peux l'entendre, mais je pense que ça n'est pas sérieux dans le moment. Et il faut entendre leur souffrance, mais de la même manière, ne pas s'interdire, y compris de dénoncer les dysfonctionnements qu'il peut y avoir au sein de la police. Je crois que ça nous honore de faire un diagnostic à peu près sérieux de la situation. Adrien Quatennens, Nicolas Sarkozy sera bien jugé sans doute l'an prochain dans l'affaire dite Big Malion, c'est-à-dire du financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Est-ce que vous estimez, là aussi, comme pour les autres affaires récentes, que c'est une justice politique ? Je ne connais pas le dossier de Nicolas Sarkozy et de Big Malion, donc je ne vais pas me prononcer. Ce qui est sûr, c'est que je peux voir parfois la géométrie variable qu'il y a dans la manière dont certaines affaires sont traitées. En l'occurrence, là, je ne connais pas le dossier. Donc j'ai vu que Nicolas Sarkozy aurait à répondre devant un tribunal correctionnel d'un dépassement de plafond sur les dépenses de campagne. Bon, ben, c'est le lot commun des règles. Hein. Une campagne électorale, vous avez des plafonds à pas dépasser, vous déclarez toutes vos dépenses, et puis en l'occurrence, s'il y a des explications à faire devant la justice... C'est la justice politique dans laquelle Jean-Luc Mélenchon a mis toutes les autres affaires récentes. Si vous voulez, je le fais d'autant moins que je ne connais pas le dossier. Moi, quand je défends le fait que la France insoumise a à connaître une procédure d'exception, j'argumente, c'est pas de l'incantation. Je vais pas le dire de la même manière que je pense que vous seriez mal inspiré de dire que parce que vous avez des politiques de tous bords qui sont concernés par des affaires au sens large, que finalement il n'y aurait pas de procès politique fait à la France insoumise. D'ailleurs, il y a un procès qui s'est tenu ces derniers jours, finalement dans un silence assez assourdissant, mais qui en disait long en fait sur les arguments que nous posons. C'est le procès de l'ancien ministre Urvoas qui a eu lieu devant la Cour de justice de la République. Qui a été couvert et bien couvert couvert, mais vous devriez voir que ce procès est révélateur aussi de ce que nous disons et des arguments que nous portons dans le cas qui nous concerne et des mensonges que nous imaginons avoir été proférés par Nicole Belloubet. Je m'explique. Oui. Nicole Belloubet nous dit que en tant que garde des Sceaux, elle n'a pas à connaître du détail, des instructions individuelles, etc. Le procès de M. Urvoas fait justement la démonstration qu'il était très informé de procédures individuelles et même que, et d'ailleurs... Et qu'il en a informé l'un des protagonistes, Thierry Soler. Qu'il en a informé un des protagonistes, mais surtout, et ceux qui ont assisté au procès ont pu noircir leur carnet de notes pour voir que dans la hiérarchie du ministère, on a clairement établi que parfois, ces informations remontaient jusqu'au Premier ministre, remontaient jusqu'au Président de la République. C'est bien la preuve... Mais l'affaire est sortie, il a été jugé, il a été condamné. Non mais attendez, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce procès, finalement, fait la démonstration que le garde des Sceaux, en tant que garde des Sceaux, en tant que ministre de la Justice, connaît de manière assez détaillée les procédures, puisque M. Urvoas a lui-même été en possession de documents assez précis qui donnaient à voir ce que seraient les suites de l'enquête pour M. Soler. C'est bien la preuve que quand Madame la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, nous raconte sans cesse et fait de grands concerts de louanges à l'indépendance de la justice, qu'elle dit qu'elle n'était pas au courant des perquisitions diligentées contre la France insoumise, que ça n'est pas possible. On ne peut pas penser que le garde des Sceaux dans ce pays ne soit pas au courant d'une telle opération diligentée contre le principal parti d'opposition à ce moment-là. Dans un instant, la réforme des retraites avec vous, Adrien Quatennens. On s'interrompt quelques instants à 9h10 pour accueillir Swazik Bour pour le rappel de l'actualité. Adrien Quatennens est avec nous jusqu'à 9h avec les questions de Renaud Dely. Sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron va rencontrer des Français à Rodez et entamer un débat sur cette réforme qui va occuper le gouvernement au cours des mois à venir. Cette réforme qui vise à instaurer un système par points dit universel vise notamment à supprimer les 42 régimes spéciaux en vigueur encore aujourd'hui. Vous défendez, Adrien Quatennens, le maintien de ces 42 régimes spéciaux. Ils sont encore à vos yeux légitimes en 2019? Bon, moi je voudrais pas du tout donner l'impression qu'on défend un statu quo, un espèce de conservatisme. D'abord, dire une chose, c'est que les 42 régimes spéciaux, ça ne concerne que 3% de la population. D'accord? Donc c'est loin d'être le sujet central en matière de réforme des retraites. 3% de la population. Mais il faut s'interroger. Moins 10 ans social. Mais j'attire votre attention sur le fait, et y compris l'attention de vos auditeurs, sur le fait que les régimes spéciaux ne représentent absolument rien dans l'ensemble de ce que va susciter cette réforme. Je dis 42 régimes spéciaux, vous dites 42. On a l'impression que c'est énorme. C'est 3% de la population. Par contre, que vous reconnaissez que certains peuvent être remis en cause au vu notamment de l'évolution démographique ou de l'évolution de ces métiers, qu'il y a certains métiers dans lesquels on n'est plus obligé de partir aujourd'hui à 53, 54 ou 55 ans. Ce ne sont pas les régimes spéciaux auxquels il faut s'attaquer. Le cœur de la réforme, il faut le comprendre, ça n'est jamais dit. Non mais, les régimes spéciaux, moi je serais plutôt pour qu'un certain nombre de professions soient alignées vers les conditions les plus favorables, pas d'une harmonisation sociale par le bas. Alors ensuite, sur la réforme des retraites, dire l'essentiel aux Français qui n'est jamais dit, à chaque fois qu'Emmanuel Macron prend la parole, à chaque fois qu'Édouard Philippe prend la parole ou que M. Delevoye le fait, c'est qu'on a beau nous raconter que avec la réforme par points, on va avoir un système qui serait par nature égalitaire, puisque un euro donnerait finalement accès aux points, etc. En réalité, le cœur de l'affaire est le suivant. C'est que M. Macron a décidé qu'on n'irait pas au-delà, en termes de ressources pour financer les retraites, des 14% actuels du PIB concernés. Pour faire simple, parce que c'est assez technique, alors que l'on sait et que toutes les projections démographiques montrent qu'il va y avoir de plus en plus de seniors et de plus en plus de personnes de plus de 65 ans, donc de plus en plus de retraités, le gouvernement est en train de maquiller une opération qui consiste à dire, en gros, vous allez être de plus en plus nombreux à table, mais le gâteau sera strictement le même. Donc la réforme des retraites par points... Alors, j'y viens. La réforme des retraites par points permet une chose, c'est comme la valeur du point va être modifiée en cours de parcours, vous pouvez simplement gérer la pénurie, c'est-à-dire comment on fait en sorte de partager le même gâteau pour toujours plus de monde. Donc je peux dire une chose à votre micro. Gâteau, il faut augmenter les cotisations. Alors, nous avons des propositions à faire en la matière. En tout cas, dire une chose, c'est qu'on peut mettre au défi M. Delevoye et M. Macron de faire la démonstration aux Français que quiconque va y gagner. Ce que ça va produire, c'est que mécaniquement, il faudra travailler toujours plus longtemps, et quand je dis plus longtemps, c'est même au-delà de 64 ans pour beaucoup de générations, il faudra travailler toujours plus longtemps pour avoir une pension digne. Mais M. Macron a tout prévu, puisque depuis quelques jours, on voit pulluler, notamment sur des chaînes d'infos en continu, des publicités, bien sûr, pour les produits d'épargne retraite par capitalisation, puisque entre en vigueur avec la loi Pacte, ces projets de financement par capitalisation qui doivent permettre à celles et ceux qui ne voudraient pas travailler jusqu'à très longtemps dans des proportions inconsidérées d'avoir une retraite digne, de se faire leur propre retraite. Ça n'est pas possible, ça n'est pas le modèle que nous souhaitons. Ça existe déjà pour les fonctionnaires à travers la Préfond ou pour les parlementaires aussi, où il y a des régimes de capitalisation. Alors, sur les parlementaires, vous avez vu que récemment, il y a eu des réformes et que la réforme des retraites des parlementaires a permis justement de les ramener le plus possible vers le régime général. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est de dire que la réforme des retraites par points vise simplement à faire en sorte d'organiser la baisse généralisée des pensions de retraite. Alors, vous avez raison de dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire de la contestation à ce projet de réforme. Il faut le contester parce que tout le monde va être perdant. Mais nous avons des contre-propositions à faire. La France Insoumise et J'y Travaille proposera un contre-projet complet dont les principaux axes sont les suivants. D'abord, dire que il ne faut pas que le départ à la retraite signifie une baisse du niveau de vie. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, dire qu'on doit pouvoir garder la liberté de partir à 60 ans. Et c'est finançable par la mise à contribution des revenus financiers des entreprises. Mais aussi, vous l'avez dit, il y a la question du taux de cotisation. Il faut pouvoir se poser la question, et moi je le dis à votre micro, il n'y a pas de contradiction entre une hausse à long terme des cotisations et une poursuite de la hausse des salaires nets également. Pour mettre la pression sur le gouvernement, Adrien Quatennens, est-ce que vous en appelez à une grève reconductible dans les transports publics, comme elle semble se profiler au début du mois de décembre? Moi, je souhaite que la mobilisation s'organise du mieux possible. Ce n'est pas mon rôle comme responsable politique d'appeler à la mobilisation. Au cas par cas, comme ça a été le cas, tout ce qui permet d'entreprendre un rapport de force. D'abord, de faire comprendre aux Français que tout le monde va être concerné. Parce que l'une des vertus pour le gouvernement des régimes spéciaux, c'est de faire en sorte que les Français se battent entre eux. Que finalement, quand vous avez à subir comme usager de la RATP, la grève de la RATP, vous soyez opposé à la grève. Alors que précisément, vous, sur le quai du métro, vous allez aussi être concerné et vous allez aussi y perdre. Donc moi je souhaite que la mobilisation s'engage. Pour l'instant je dois dire que la manière dont elle est engagée, moi m'inquiète. C'est-à-dire qu'on voit une multitude de mobilisations sectorielles, on voit des formes de mobilisation extrêmement traditionnelles. Je crois qu'il faut prendre les responsabilités, oui, se serrer les coudes, et nous allons réfléchir dans les prochaines semaines, les prochains mois à la manière de mener la bataille, parce que nous ne pouvons pas imaginer qu'elle se poursuive de la manière dont elle est engagée, c'est-à-dire de manière assez défavorable. Mais la priorité, c'est de faire comprendre aux Français que derrière l'enfumage du gouvernement, il y a une réforme qui s'apprête à procéder à une baisse généralisée des pensions et que l'on peut faire autrement, raisonnablement, pour qu'on ait un autre projet que de travailler toujours plus dans un moment en plus où notre pays connaît un chômage extrêmement important. Merci à vous, Adrien Quatennens. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Je voudrais célébrer l'un des mots qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, petit, dans tous les sens du terme. Il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme. De rance et renfermé, gros ou maigre, il est gras. Rien par où l'attraper, il glisse entre les doigts. Je voudrais exprimer ma satisfaction. Tels sont les premiers mots en toutes occasions. Tout meurt autour de lui, les jeunes sont partis, les usines ont fermé, tout va très bien pour lui. Les pauvres petits sous de ses contribuables servent ses grands projets urgents, indispensables, des lampadaires, un golf qu'il va inaugurer. Je suis très satisfait, mes chers administrés, satisfait car il vit de grands maux et d'embrouilles. La mairie est sa mare, il en est la grenouille. Sûr de faire la pluie et le beau temps local, il s'agite beaucoup au fond de son bocal. Il parade et se gonfle au milieu de la place, trouve un mot pour chacun, promesse ou bien menace. De chacun il connaît les failles et les secrets, tient un jour son courrier, ses fiches et ses dossiers. Il brandit le drapeau ou bien le linge sale, dans ses urnes truquées toutes les voix se valent. Il manie en malin les pressions, les faveurs, tout est bon pour tenir en main les électeurs. Votre fils entre en fac, bien, j'en fais mon affaire, il aura une bourse. Merci, monsieur. Monsieur le maire, c'était automatique, votre fils y avait droit. Le maire le savait, vous ne le saviez pas. Il enterre, il marie, dispose des gendarmes. Il se sert de vos joies, il se sert de vos larmes. Le préfet, le pouvoir, le méprise et en joue. Il est l'élu du peuple et c'est tant pis pour vous. Le 11 novembre, il nous vante la guerre. Le 14 juillet, il ne peut pas se taire. Dur avec les petits, piteux devant les forts. Il n'est jamais si bien qu'au monument aux morts. Il cache ses pensées, sort son vocabulaire. Tartuffé, tartarin, il se veut populaire. Un pastis pour les hommes, aux dames un quinquennat. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en Navarre, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote, tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Bonjour André Sicolella. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes chimiste, toxicologue, chercheur français en santé environnementale, spécialiste de l'évaluation des risques sanitaires. Il n'y a pas, là on est en pleine absence de résultats. On ne connaît pas précisément les composants de ce qui a brûlé. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est tout de même très toxique ce qui se passe à Rouen. On les connaît, mais on ne les a pas officiellement. Hein, ah bah oui, puisque les résultats d'analyse, Didier Guillaume les donne dans deux jours. L'entreprise sait quel produit elle fabrique et quel produit elle utilise pour faire ses fabrications. Donc là, je pense que ça n'est pas acceptable d'avoir ce discours. J'ai entendu effectivement le préfet. Ce n'est pas acceptable. Alors, on sait effectivement quels sont les produits. Notamment parce que dans ces additifs, il y a notamment des paraffines chlorées vraisemblablement. Mmh. Donc et tout produit chloré, dans le cadre d'une combustion, génère des dioxines chlorées. Et là, on est en présence dans le scénario de type Seveso, puisque l'installation Seveso font référence à l'accident qui est survenu en 1976, un réacteur qui a sauté et qui a contaminé 8 km². On va prendre les choses dans l'ordre, André Sicolella, parce que vous êtes chimiste et moi, je ne le suis pas. Donc, vous allez quand même expliquer. Dans les lubrifiants, il y a de l'huile, du téflon, du graphite, de la graisse, du gel de silicone. Dans les huiles moteurs, il y a de l'acide, de l'alcaline, du zinc, du soufre, du phosphore. Expliquez-moi, ce truc-là brûle. Il s'évapore dans l'air, il retombe dans mes poumons. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est pas ces produits-là. Bon, c'est pas ce qui pose problème. Alors effectivement, le sentiment, les nausées, vomissements, c'est pas spécialement agréable, mais c'est pas tellement c'est pas l'effet sur le long terme. L'effet sur le long terme, c'est effectivement des substances du type dioxine chlorée qui vont pénétrer dans l'organisme et qui vont y rester pendant des décennies. Qu'est-ce que ça implique dans l'organisme, les dioxines chlorées? Ça va être stocké dans les graisses et donc ça va contaminer l'organisme, tous les organismes vivants, avec notamment l'enjeu principal, c'est la protection des femmes enceintes, parce que c'est le fœtus qui va être impacté avec des conséquences extrêmement importantes. Alors, on le sait grâce, malheureusement, à ces Seveso. Parce qu'on a suivi depuis maintenant 1976, il y a une cohorte Seveso, et publiquement, tous les ans, tous les deux ans, on a l'état des connaissances sur cet impact. Donc, mais mettons des mots sur les choses, si vous le voulez bien. Est-ce que c'est cancérigène? Est-ce que c'est... Oui, c'est, alors, si effectivement cette présence est avérée, moi je ne sais pas, vraisemblablement, mais le fait qu'on ne réponde pas clairement d'ailleurs, on dirait non, ce serait clair. Mmh. Mais c'est, on a dit ni oui ni non. Enfin, vous voyez, ça, ce n'est pas acceptable. Donc, si effectivement c'est avéré, on fabrique effectivement dans une combustion ce type de dioxine. Alors, que devraient faire, par exemple, les femmes enceintes, puisque vous dites que écoutez, ce sont les premières concernées? L'expérience de ces vaisseaux, c'est justement, c'est retombé sur la surface, hein, c'est plus dans l'air, hein. Et la contamination s'est faite au fur et à mesure, et on a, une fois que c'est dans l'organisme. Voilà. Ce que vous voulez dire, c'est que on a confiné les écoles, on a confiné les EHPAD. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas pensé aux femmes enceintes et on a eu tort. J'ai pas entendu effectivement de mesures particulières par rapport aux femmes enceintes. Alors il y a un effet effectivement sur la sanitaire sur les adultes, mais l'essentiel, le risque porte sur la contamination liée à la contamination du fœtus. Oui. Merci beaucoup de ces explications, André Sicolella. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi. La presse, je reçois Antoine Léaumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Merci d'être avec nous ici en direct dans ce studio. Et Sylvain Courage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur-chef à l'Obs. Bonjour. Vous étiez joint à la menace de boycott contre la décision de Marion Maréchal. Première question, Antoine Léaumont. Les médias sont très importants dans la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon et pas seulement. Quotidien est une émission qui touche particulièrement une cible que vous visez, les jeunes. Pourquoi en êtes-vous arrivé à une telle décision extrême? Alors, juste un petit truc avant de commencer. Il en manque un dans la liste que vous avez fait des gens qui n'accréditent pas tous les médias. Il manque le président de la République qui n'accrédite pas Russia Today à ses conférences de presse. C'est juste pour le citer, parce que sinon ça donnerait l'impression que vous faites un parallèle entre l'extrême droite et la France insoumise qui, à mon avis, un peu. Enfin, c'était l'actu de la semaine. Pourquoi on en arrive là? Si vous voulez, nous on a une expérience avec Quotidien qui est celle d'un procès qui est basé uniquement sur des images, vous l'avez dit. Ils ont choisi des images, ils ont sélectionné des images dans plus de 44 minutes qu'ils avaient filmées, qui sont les plus tendues du moment de la perquisition. Ils font pas du journalisme, ils font du militantisme politique quand ils font ça. Ils sélectionnent les pires moments, alors même qu'ils ont des moments qui sont plus tranquilles, où Jean-Luc Mélenchon explique ce qui est en train de se passer, où il dit pourquoi la perquisition est à son sens une opération et où il dit aussi qu'il ne veut pas interrompre la perquisition, alors que les images diffusées par Quotidien donne l'impression du contraire. Je ne vais pas me faire l'avocat de Quotidien, mais je vous interromps d'un mot, après je vous redonne la parole. Vous savez bien comment fonctionnent les infos. Bad news is good news. On filme les voitures qui brûlent, on ne filme pas les voitures qui brûlent pas. Absolument, mais justement c'est un problème. Tout le monde fait ça, tous les organes de presse. Oui, mais c'est un problème dans le monde des médias. Pour nous, les médias doivent rendre compte de la réalité, doivent donner tous les aspects de la réalité pour permettre aux gens de se faire une opinion personnelle sur un sujet. Quand un média choisit de prendre qu'une seule information, il ne fait pas de l'information. Soit il fait du militantisme, là c'était le cas avec Quotidien, mais dans d'autres cas, Quotidien se contente de faire du divertissement. Et moi, j'ai un petit souci dans le fait que vous, journalistes, vous ne posiez pas de limites vis-à-vis de Quotidien. Parce qu'en réalité, ils font du mal, y compris à votre travail, à vous, les journalistes, en confondant l'information et le divertissement. L'information politique, c'est un sujet extrêmement sérieux. C'est la démocratie en dépend de l'information des citoyens. Donc si vous tolérez que les informations soient partielles, partiales et incomplètes, à ce moment-là, vous faites vous-même du mal au métier de journaliste. Nous, on a décidé de poser une limite, parce qu'au bout d'un moment, on en a marre que cette émission fasse des provocations systématiques. Je vous donne un autre exemple. Je veux dire, c'est pas la première fois, on a été assez tolérant avec Quotidien. Le 30 mai 2017, ça remonte à il y a un petit moment, un journaliste de Quotidien vient et pose, je pense, 4 ou 5 fois la même question à Jean-Luc Mélenchon lors d'une conférence de presse pour provoquer le ras-le-bol, quoi, pour provoquer l'énervement. Ils ont fait la même chose à Manon Aubry pendant la campagne européenne. Pardon, je vous interromps, pour avoir fait des milliers d'interviews, c'est ce qu'on appelle le droit de suite. On pose une question, la personne ne répond pas, on la repose. Non, c'est pas pour énerver les gens. Non, mais le problème, c'était que Jean-Luc Mélenchon avait répondu. Pareil pour Manon Aubry. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, c'est de la provocation. Mais même dans la conférence de presse que nous, on avait filmée en entier, on voit les collègues de la personne qui intervient pour Quotidien, on les voit eux-mêmes lui dire d'arrêter, tellement ça bordélise, si vous voulez, la conférence de presse. Donc au bout d'un moment, quand des gens viennent pour faire un sujet qu'ils ont déjà écrit à l'avance et sur lequel ils veulent exactement les images qu'ils ont choisi d'avoir, c'est pas de l'information, c'est du militantisme politique. Sylvain Courage, réaction à ce qui vient d'être dit. Est-ce que le divertissement fait du tort à l'information? Je rappelle que vous êtes rédacteur-chef de l'Obs. Alors, en l'espèce, c'est quand même la France Insoumise qui avait proposé à Quotidien de venir filmer la perquisition. Oui. Au départ, il y a trois médias qui sont appelés à la rescousse, donc il y a bien la volonté d'utiliser Quotidien aussi de la part de la France Insoumise pour dénoncer la perquisition. Mais déjà sur le fond, est-ce que le fait de rire de l'actualité dénature, salit le travail des journalistes que vous êtes? Alors, il y a une part effectivement de divertissement dans ce que fait Quotidien, mais dans ce que fait Quotidien, il y a aussi une part de dénonciation des artifices de la communication politique. Et c'est ça qui gêne beaucoup les politiques, c'est pas tant le mélange avec le divertissement, parce que s'ils vont dans une émission de pur divertissement, ils peuvent utiliser le divertissement. Ce qui les gêne, c'est quand même la dénonciation des artifices de communication. Et ça, c'est proprement journalistique. Antoine Léaumont, pardon, dit que non, de la tête. Non, absolument pas. Moi, la communication politique consiste, et c'est mon métier, j'en sais quelque chose, à faire en sorte que nos idées puissent passer. Nous, on estime, je vous prends un exemple très concret, la 6e République. C'est pas une chose assez simple pour être expliquée en 3 minutes au micro d'une matinale. C'est quelque chose qui exige du temps pour expliquer comment on veut la faire, cette 6e République. Nous, on a mis en place des outils numériques avec la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, les réseaux sociaux de la France Insoumise, pour pouvoir faire passer ces idées. Donc on sait très bien qu'on va pas pouvoir faire passer nos idées dans tous les médias. Ce qui nous pose un problème, c'est quand la caricature devient une tromperie. C'est quand la moquerie devient un mensonge. Ça, c'est un problème. Et c'est ce que fait Quotidien dans un certain nombre de cas. Et moi, je suis désolé. Les reporters de Quotidien, les caméramans de Quotidien qui viennent sur nos événements, ils se comportent d'une manière qui provoque des tensions qui sont inutiles, qui sont dangereuses parfois, et que au bout d'un moment, on ne veut plus accepter. Là, ils se sont comportés comme des supplétifs de la police. Si j'ai bien compris, une des choses qui vous ont exaspéré à la France Insoumise, c'est que Quotidien se soit servi d'une phrase de Jean-Luc Mélenchon au milieu d'autres punchlines pour en faire un jingle. On est au top. 0 + 0 égale la tête à Toto. La République, c'est moi. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Jacques a dit, comme vous, je pousse. Oh, c'est printemps, les amis. Antoine Léaumont, ça vous fait rire ce jingle? Non, ça me fait pas rire. C'était notre échange qu'on avait par ailleurs. Parce que je disais, je vais vous faire réagir sur ce jingle. Pourquoi ça vous fait pas marrer ce jingle? Parce que tous les soirs, on a le droit à ça à Quotidien. C'est-à-dire tous les soirs, on a le droit au moment de tension le plus absolu de ces perquisitions. Enfin, il faut comprendre ce que c'est qu'une perquisition. Pour en avoir subi une, je sais ce que c'est. Oui. Des flics qui rentrent chez vous à 7h du matin. Moi, en l'occurrence, à 7h30, après avoir sonné chez tous mes voisins parce qu'ils savaient pas où j'habitais. Donc, vous imaginez les relations de voisinage que ça vous fait derrière. J'ai bien compris, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un événement qui n'est pas agréable à vivre. J'ai compris. Et là, en l'occurrence, le travail d'un organe de presse n'est pas que de montrer des moments agréables à vivre. Ah, mais ça, j'ai pas de souci avec ça, mais à condition qu'ils montrent les autres. C'est ça mon problème. C'est pas qu'ils montrent les images les pires, c'est qu'ils ne montrent que les images les pires. C'est-à-dire que quand on a une réalité, elle a plusieurs aspects. Si on ne montre qu'un côté, on est en train de mentir. Là, c'est d'abord Antoine Léaumont, vous nous avez dit, ce qui nous gêne, ce n'est pas que Quotidien ait diffusé ces images où Jean-Luc Mélenchon s'énerve, c'est qu'il n'ait diffusé que ça. Alors ensuite, ils ont diffusé l'intégralité de la perquisition dans leur émission, et puis on peut la voir maintenant partout sur le web, et ça aussi, ça vous a déplu. Alors, j'ai pas compris. Non, pas du tout. Alors là, il y a eu une erreur. Du coup, on était très contents qu'ils diffusent enfin les images, parce que ça, c'était une des pièces du procès. En réalité, c'est la seule pièce du procès. La seule pièce du procès, c'est les images de Quotidien. Et on a découvert d'ailleurs, pendant le procès, qu'il manquait le son sur toute une partie des images. Donc, si vous voulez, nous, on attendait d'avoir ces images pour pouvoir avoir la vision globale des perquisitions. C'est un problème qu'ils ne les aient pas diffusées avant, et ils ne l'ont fait que parce qu'Alexis Corbière les a exigées. Alors, j'ai retrouvé une interview ancienne de Jean-Luc Mélenchon, c'était dans la revue Charles en 2013, et il expliquait, je le cite, sa stratégie de la conflictualité, je le cite. Jean-Luc Mélenchon dit « Introduire du conflit de conscience partout et si possible à l'endroit où il va produire son plus grand rayonnement possible », c'était sa stratégie. Il ajoutait « Les attaques contre les médias peuvent servir mon combat ». Est-ce que cette attaque contre Quotidien, ciblée précisément, peut aussi être fait pour servir votre combat? Clairement, ça nous permet de parler des médias, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin, et ça nous permet de développer notre point de vue sur la question médiatique. Donc c'est une stratégie. C'est pas tellement que vous êtes énervé contre eux. Non, là, pour s'attaquer à eux, pour faire parler de vous, si je suis ce que vous venez de me dire. Là, il y a vraiment un problème avec Quotidien, et on l'assume complètement. De toute façon, c'est le principe même de l'accréditation. C'est de donner des autorisations à des journalistes d'y participer. Tout à l'heure, je vous le disais, Russia Today n'est pas autorisée à participer aux conférences de presse de l'Élysée parce que l'Élysée estime que Russia Today est peut-être trop critique ou peut-être fait un travail d'information qui ne convient pas. pas. Qui ne convient pas. Ou peut-être trop proche de Moscou. Non, mais c'est quand même, c'est un peu à la solde de, vous n'avez pas comparé Quotidien et Russia Today, qui est un peu à la solde de Poutine quand même. Mais si vous voulez, Russia Today à la solde de Poutine, moi j'aimerais bien savoir à la solde de qui est Quotidien à ce moment-là. Mais moi j'ai un problème avec le fait que ces gens ne diffusent qu'une partie de l'information et par ailleurs qu'ils la transforment de manière, enfin, si vous voulez, j'ai pas de problème avec la caricature, j'ai pas de problème avec le rire, j'ai un problème quand il n'est que ça et qu'il déforme les propos. Ça, vous l'avez dit, Sylvain Courage, après Quotidien en particulier, sur son blog, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris aux journalistes en général. Attention, écrit Mélenchon, le parti médiatique est une composante clé du processus de la guerre judiciaire. Il intervient en amont pour déclencher les enquêtes, faire les signalements, harceler l'opinion et en fin de parcours pour la propagande de mise à mort. Réaction, est-ce que vous avez l'impression d'appartenir au parti médiatique ? Évidemment, enfin, au parti médiatique, oui, on fait partie des médias. Donc voilà. Il a... Les questions que pose... Avec ces intentions-là. Ouais, non, mais les questions que pose Jean-Luc Mélenchon et son parti sont tout à fait légitimes. Le problème, c'est les réponses qu'il y apporte. C'est-à-dire que il voudrait encadrer les journalistes. Ça fait longtemps qu'il milite pour la création d'une sorte de haute autorité. Mmh, et on aboutit, avec cette logique-là, à un ministère de l'information. Ça existe dans plein d'autres pays, comme le Canada ou de Belgique, je cite de mémoire, et c'est pas pour autant des dictatures. Oui, je suis pas en train de défendre ça. Mais c'est pas non plus l'URSS de Staline. C'est pas du tout la tradition française où la liberté est la plus grande. Et donc, on peut quand même y être attaché. Alors, maintenant, Jean-Luc Mélenchon est lancé dans cette bataille contre l'institution judiciaire tout entière. Et donc, c'est un complot général qui passe également par les médias. Franchement, on est quand même dans une description très paranoïaque de tout ce qui se produit. Si Jean-Luc Mélenchon en est où il en est aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il est passé dans les médias, il les a aussi utilisés. C'est un rapport de dépendance mutuelle. Simplement, il voudrait prendre le dessus, il voudrait quelque part commander les médias. Et donc ça, c'est absolument inadmissible et ça le mènera nulle part. Il y a peut-être aussi une époque où Jean-Luc Mélenchon passait tout le temps dans les médias, il faisait 20%, c'était la présidentielle, et là maintenant, il est à 6%. Il cherche des raisons. Est-ce que ceci explique cela ? Non, moi je pense qu'on a aussi fait 20% à la présidentielle parce qu'on a su vous contourner, justement, et mettre en place des outils qui nous permettaient de faire passer nos contourner idées. Contourner en passant sur France Télévisions. Pendant la présidentielle, il y avait les meetings de Mélenchon en direct, en entier sur BFM. Non, mais c'est très sympa de passer à France Télévisions ou à TF1, mais quand c'est pour nous poser des questions, vous voulez sortir de l'Union Européenne pour entrer dans l'Alba, ce qui est faux, c'est-à-dire on ne dit pas ça du tout, c'est pas de l'information non plus, c'est de la désinformation. Mais le décollage, ça a été le débat des candidats sur la chaîne publique. Mais un débat contradictoire entre candidats de l'élection présidentielle, je trouve que les médias ont fait un bon travail en organisant cette possibilité de débat. Je vous dis pas que tout est nul, tout est pourri, je vous dis juste qu'il y a des choses, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Juste sur le conseil de déontologie, puisque c'est des médias, c'est ça sur quoi vous veniez, ça existe effectivement dans de nombreux pays, ça existe en fait dans la majorité des pays de l'Union Européenne et pas en France. C'est juste un outil pour les citoyens pour pouvoir de temps en temps critiquer les médias. Vous voyez là, aujourd'hui, ces jours-ci, on a une polémique sur le mot barbare qui a été sorti de son contexte d'une discussion avec un manifestant qui devient un événement considérable, complètement sorti de son contexte. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon... Vous savez quoi ? Jean-Luc Mélenchon. Alors on va voir si le contexte est pire. Allez-y. Le contexte est pire, on va l'entendre. C'est pendant une manif sur les retraites, Jean-Luc Mélenchon parle à quelqu'un dans la manif. C'est des barbares, soyez prudents, parce qu'ils s'arrêtent plus maintenant. Soyez prudents, c'est pas la peine de revenir avec un œil en moins. Mais eux, ils agressent tout le monde. Conséquence, le syndicat, je donne les faits, le syndicat de police Unité SGP a porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon et le syndicat Alliance appelle à un rassemblement tout à l'heure, à 11h, devant le siège de la France Insoumise. Vous voyez, là vous avez fait typiquement ce que je reproche à Quotidien, c'est-à-dire que vous avez passé que des petits bouts. Il y a une discussion, il y a le monsieur qui lui répond. Par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon dit « faites attention à vous », il dit, la personne est en train de dire « mais s'ils essayent de vous faire du mal, on va vous protéger ». Voilà ce que lui dit la personne, c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon dit « non, faites attention à vous, j'ai pas envie que vous fassiez ça ». Il sous-entend même qu'il va être assassiné par un sous-enfant qui va être assassiné, je l'ai pas passé volontairement. Mais juste sur ce terme-là, quand Jean-Luc Mélenchon fait des déclarations publiques sur le terme, systématiquement, quand il donne des responsables, il parle du ministre de l'Intérieur, il parle de Monsieur Castaner et il dénonce le fait que Monsieur Castaner n'assume jamais ses responsabilités politiques du fait des ordres barbares qu'il donne. C'est à lui qu'il s'adresse. Quand il fait des déclarations publiques, dans une discussion. J'ai fait des études, c'est des barbares et donner des ordres barbares, c'est différent. Dans une discussion, quand on est en train de parler à bâton rompu avec les gens, on fait des raccourcis et c'est normal. Oui, mais c'est une manif, c'est pas à bâton rompu. Justement, une manif, c'est public. Justement, c'est ça le problème. C'est que La moindre caméra désormais qui filme un petit bout de quelque chose essaye d'en faire une information. En l'occurrence, là, ça n'en est pas une. Et le problème est que, sur la base de ce mot sorti complètement de son contexte, on se retrouve aujourd'hui avec des policiers d'un syndicat d'extrême droite qui viennent manifester devant le siège d'un parti politique. Il y a un problème démocratique qui est posé et c'est celui-ci qu'il faudrait interroger. Vous allez faire siège vide, vous y serez pas. Le mot de la fin à Sylvain Courage. Bah oui, non, mais les questions, encore une fois, sont légitimes sur la déontologie des médias. Peut-être qu'il y a une solution qui a été ébauchée, d'ailleurs, dans la diffusion des rushs. Ça, c'est finalement une bonne chose. Ouais. Peut-être que Quotidien pourrait faire ses sujets en les éditorialisant. Sur la diffusion des rushs, juste un mot, parce que ouais, ça me revient, j'ai manqué d'à propos. Raquel Garrido, proche de la France Insoumise, a traité Quotidien plus ou moins de supplétif du pouvoir en disant oui, que c'était scandaleux de donner des, les rushs. Et elle donne des cours de journalisme à l'ESJ, une grande école. Voilà, alors que tout à l'heure, Antoine Léaumont, vous m'avez dit on était ravis de ça. Donc mettez-vous d'accord entre vous. Non, elle a dit qu'il s'était comporté en supplétif de la police en les donnant à la police. Mais qu'il les donne au grand public, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que ça change? Au contraire. Mais ça change que. Mais vous jouez sur les mots. Non, si on la donne au grand public, non, la police fait partie du grand public, donc tout le monde a les rushs. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, en l'occurrence, nous avons découvert les images de Quotidien, l'intégralité des images qui font partie de notre procès à nous. On les a découvert au seul moment où ils ont finalement décidé de les diffuser. Et on a pu découvrir la duplicité de Jean-Luc Mélenchon, qui à la fois s'énerve contre les policiers et les rassure en leur disant « Ne vous inquiétez pas, tout ceci est une mise en scène ». Il y a beaucoup de choses à tirer de ces rushs. Alors, vous savez quoi? Malheureusement, je suis obligé d'arrêter. Et c'est pas de la censure, c'est l'heure qui tourne. Je serais ravi de vous recevoir à nouveau tous les deux. Merci d'avoir été avec nous en direct. Antoine Léaumont, je ne retrouve plus votre titre. Vous êtes responsable. Si, c'est grave. De la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et Sylvain Courage, vous êtes rédac chef à l'Obs. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie. Qu'ils soient chimiques, sidérurgiques ou simplement voués à stocker des produits dangereux, les sites industriels lorrains sont surveillés en permanence par les services de l'État. Selon les directives Seveso, ce sont les risques toxiques, explosifs et thermiques qui sont dans le viseur de la DREAL. Ce que la directive Seveso nous demande de faire, c'est d'inspecter à minima une fois par an tous les seuils Seveso haut et à minima une fois tous les 3 ans les sites Seveso bas. Et ça, vous arrivez à le faire ? On arrive à le faire, oui. On a des objectifs qui sont fixés en début d'année. On se programme les inspections et on suit l'évolution des inspections au fur et à mesure de l'année pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés en fin d'année. La Lorraine compte 42 sites classés Seveso, dont 26 en seuil haut. Ils sont principalement situés en Moselle, 14, et en Meurthe-et-Moselle, 7, là où se concentrent la plupart des activités industrielles traditionnelles. Le premier responsable du respect des prescriptions imposées à un industriel Seveso, c'est l'industriel lui-même. Et donc nous, on choisit dans les prescriptions qui lui sont prescrites d'en contrôler un certain nombre pour voir si effectivement il les respecte. Et si on trouve des non-conformités, à ce moment-là, on propose au préfet des mesures de remise en ordre administrative qui peuvent déboucher sur des sanctions. Et parfois, on peut aussi proposer des sanctions au procureur de la République. Depuis la mise en place des directives Seveso en 1982, la Lorraine a connu plusieurs accidents industriels majeurs sur ses sites classés, avec plusieurs victimes comme à Metz, le 18 octobre 82, où un silo avait explosé, tuant 12 personnes. Mais dans la plupart des cas, les accidents génèrent principalement des pollutions ou des nuisances plus ou moins importantes. Absurde, c'est ainsi que Markus Wolf a qualifié aujourd'hui son procès. Cet homme de 70 ans qui a dirigé l'espionnage de l'Allemagne de l'Est de 1953 à 86 et qui a inspiré, entre parenthèses, l'écrivain John le Carré, est poursuivi pour trahison et corruption. Markus Wolf s'étonne de voir la justice d'une Allemagne désormais réunifiée faire une sorte de tri entre les bons espions de l'Ouest et les mauvais de l'Est. Commentaire de notre correspondant Pascal Guimier. Un petit air de festival de Cannes au tribunal de Düsseldorf. L'acteur a beau avoir déjà beaucoup de nez, c'est encore une star, Markus Wolf, 70 ans, profession fonctionnaire à la retraite. Mais derrière l'image rassurante, caché derrière des lunettes noires, un autre Markus Wolf, alias l'homme sans visage, alias l'espion venu du froid, alias le beau Micha pour les dames. Car pendant plus de 30 ans de bons et loyaux services secrets, Wolf a dirigé de main de maître l'espionnage est allemand. Docteur S manipulation, spécialiste de l'infiltration, il était les yeux et les oreilles de la RDA. Günther Guillaume, colonel de la Stasi, conseiller et confident du chancelier Brandt, un coup de Markus Wolf. Gabrielle Gast, directrice des renseignements ouest-allemands, passée de l'autre côté et devenue espionne par amour, encore un succès de Markus Wolf. Au total, 5 à 600 taupes à des postes stratégiques, certaines peut-être encore en activité. Alors aujourd'hui, l'Allemagne accuse le maître espion de haute trahison. Un procès politique, rétorque Wolf, un procès illégal. Argument, seuls les agents de l'Est sont poursuivis et condamnés quand leurs collègues occidentaux coulent des jours tranquilles. Résultat, deux poids, deux mesures, la Cour constitutionnelle devra trancher. Alors la justice de l'Allemagne unifiée continue de faire piètre figure. Procès Honecker annulé, procès Milke enlisé, procès Modereau plutôt mal engagé. Aujourd'hui, on demande des comptes à Markus Wolf sans savoir si la procédure pourra aller jusqu'à son terme normal. La parole est à monsieur Adrien Quatennens. Merci monsieur le président, monsieur le Premier ministre. Depuis notre assemblée, j'adresse un salut fraternel à celles et ceux qui se mettent en mouvement contre votre projet de réforme des retraites et je dis aux Françaises et Français qui regarderaient encore les grèves et les manifestations avec consternation qu'ils ont eux aussi intérêt à ces mobilisations car tout le monde sera perdant dans l'affaire. Avant d'être une question technique, la retraite interroge notre modèle de société et la répartition de la valeur. Vous dites, comme s'il s'agissait d'une évidence, que parce que l'on vit plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps. Mais en quoi est-ce évident ? C'est notamment parce que le temps de travail a reculé que l'espérance de vie a augmenté. Et si l'on produit plus rapidement aujourd'hui que précédemment, à quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production de ce dont nous avons besoin ? Vous avez beau commencer tous vos discours sur le sujet par un concert de louanges au modèle par répartition, c'est bien son contournement que vous préparez. En choisissant de maintenir les ressources de financement des retraites à 14% du PIB, alors que tout indique que le nombre de seniors va augmenter, vous préparez, sans le dire, une baisse généralisée des pensions. Le gâteau sera le même, alors que nous serons toujours plus nombreux à table. Voici la vérité que vous ne dites jamais aux Français. Pour disposer d'une pension digne, il faudra travailler toujours plus longtemps, alors qu'un senior sur deux n'est plus en emploi à l'âge où il est censé partir à la retraite. Bien sûr, l'âge légal sera maintenu, mais si vous partez à 62 ans, ce serait avec une retraite de misère. Vous faites des 42 régimes spéciaux l'épouvantail qui devrait faire que les Français se jalousent entre eux, alors que ces régimes ne concernent que 3% de la population. Le progrès, ce n'est pas de s'user la vie au travail. Par la hausse des salaires, par la mise à contribution des revenus financiers des entreprises, la fin des inégalités salariales entre les femmes et les hommes et la création d'emplois, nous pourrions financer un système de retraite à 60 ans. Alors, monsieur le Premier ministre, dites la vérité aux Français sur votre réforme. À part les assureurs et les banques des systèmes par capitalisation, qui va y gagner ? Merci, monsieur le député. La fanfare municipale défile dans la rue principale. Tout le monde est là pour lui crier bravo, tout en agitant les petits drapeaux. Dans le frémissement des cuivres qui nous transportaient, nous enivre, on oublie tous les soucis quotidiens et l'on nage dans un bonheur sans fin. Voici le chef qui vient devant, qu'il est beau dans son costume neuf, tout blanc. Pour ouvrir la marche, il fait voltiger son bâton. On est tous remplis d'admiration. Quand la fanfare municipale défile dans la rue principale, c'est la gaieté qui règne dans les cœurs. Mon village éclate de bonheur. On n'a pas voisé dans les maisons, on a fleuri les balcons. Sous la caresse du vent, on va danser les lampions. C'est le sous-préfet qui vient d'arriver dans cette superbe auto. On lui joue la Marseillaise et l'on repart aussitôt. Flotter les trois couleurs, c'est ici qu'on va servir le vin d'honneur. Après les discours et le mousseux, c'est pas fini, on refait tout le tour du pays. Quand la fanfare municipale défile dans la rue principale, les capes nous le prennent du bon temps. Ce jour-là, tout le monde a 20 ans. Lutter contre l'optimisation fiscale est un impératif aujourd'hui. Dans son projet de budget 2020, le gouvernement persiste dans l'objectif fixé par Emmanuel Macron. Faire baisser progressivement le taux de l'impôt sur les sociétés de 34,3% à 25%, soit une réduction d'impôt de 14 milliards au profit des grandes entreprises. La concurrence fiscale est une tendance générale dans les pays industrialisés. Pour attirer les grandes entreprises, tous les pays baissent, chacun leur tour, leur taux d'imposition. À la fin, tous s'aligneront sur le taux de l'Irlande, 12,5%. Tant pis pour les recettes publiques, tant mieux pour les grandes entreprises et leurs actionnaires. Pourtant, il est légitime que les grandes entreprises qui bénéficient des dépenses publiques, les infrastructures, la sécurité, l'éducation et la santé de leur personnel financent ces dépenses publiques. Ces grandes entreprises sont aujourd'hui plus riches que les États. Pensez à Google, à Facebook, à Amazon, à LVMH. Elles peuvent financer et orienter l'éducation, la culture, la presse,

I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. Après Fukushima, nombreux sont les pays qui se sont posé la question de l'après-nucléaire et du démantèlement de nos vieilles centrales, parfois dépassées technologiquement et pouvant devenir dangereuses. Mais les concepteurs des centrales nucléaires ont-ils réellement pris en compte l'éventualité d'un démantèlement ? La question du démantèlement, ça peut paraître curieux, est une question nouvelle. Ça veut donc dire que déjà il y a un grand problème de faisabilité technique. Le problème, c'est que même s'il n'y a plus de réacteurs et qu'on a tout arrêté, vous êtes toujours coincé avec les déchets. Et il n'y a aucune solution pour ces déchets. Il n'y en aura jamais. Nous, citoyens, on n'en veut pas. Je n'en veux pas dans l'Aube, je n'en veux pas dans la Haute-Marne, j'en veux pas dans la Meuse, j'en veux pas dans la région, j'en veux pas dans la France. La Terre n'en veut pas. On ne fait pas ce projet qui est fou. C'est clair. Le nombre de risques totalement sous-estimés, non analysés et rencontrés dans les opérations de démantèlement industriel est phénoménal. Des pays comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis savent désormais que démanteler une centrale nucléaire est une opération longue et délicate. 20 ans déjà que certains s'y emploient. Les problèmes techniques s'accumulent, les risques pour l'homme et l'environnement se multiplient. Et pour ne rien arranger, ces opérations de déconstruction ont un coût exorbitant. Au point qu'il faille se poser la question aujourd'hui, sommes-nous vraiment capables de démanteler nos centrales nucléaires ? France, un des pays les plus nucléarisés au monde, a opté pour un démantèlement immédiat de ses réacteurs en fin de vie. 9 sont en cours de déconstruction sur 6 sites, pour certains depuis plus de 20 ans. C'est ici, dans les monts d'Arrée, tout près du village de Brénilis, au milieu du parc naturel régional d'Armorique, que meurt à petit feu une des plus vieilles centrales nucléaires françaises. Mais que le touriste de passage se rassure, EDF maîtrise la situation. La stratégie d'EDF, c'est de démanteler sans attendre. Ne pas laisser le soin aux générations futures de réaliser le démantèlement de centrales qui ont cessé de fonctionner. Et donc dans ce cadre, le démantèlement de Brénilis a été réalisé déjà sur une période de 10 années. Et sur une période de 10 années entre 1997 et 2007, il y a déjà 50% du démantèlement qui a été réalisé. Donc on trouve un petit peu tout, y compris des échafaudages, des chemins de passage qui existaient du temps de l'exploitation. On trouve des tuyauteries ici de plus haut gros diamètre qui véhiculaient par exemple de l'eau. On trouve par exemple là ici une petite pompe. Donc là, faites attention. Voici 20 ans, EDF pensait faire de Brennilis la vitrine de son savoir-faire en matière de déconstruction. Mais l'opérateur n'avait peut-être pas prévu les risques qu'il y a à démanteler une centrale nucléaire. Il faut bien voir que démanteler, ce n'est ni démonter, ni déconstruire. C'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a ces matières nucléaires et que le fonctionnement d'une centrale a fait que des choses sont devenues radioactives dans les bâtiments, etc. Mais quand on démantèle, il faut se préoccuper de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple déconstruction ou un démontage. Dans le cadre d'un démantèlement, il va donc falloir démonter et stocker une à une toutes les pièces d'un puzzle complexe dont certaines resteront dangereuses des centaines de milliers d'années. La déconstruction se fait en trois phases. La première concerne le retrait du combustible, qui après son déchargement sera conservé 2 ans en piscine de refroidissement. On procède aussi à la vidange des circuits. La phase 2 est réalisée en 2 étapes. Le démontage des locaux qui n'ont pas été en contact avec la radioactivité, puis tous les éléments proches du bloc réacteur qu'il faudra décontaminer avant de les stocker. La phase 3, enfin, la plus délicate, consiste à détruire le bloc réacteur le plus radioactif. Alors, ces trois phases n'ont pas des durées déterminées. Je peux vous dire que l'estimation, c'est qu'un démantèlement, ça peut prendre entre 30 et 50 ou 60 ans. Et ces diverses phases peuvent prendre des temps très longs suivant les problèmes que l'on rencontre. En Allemagne, on sait depuis des années qu'un démantèlement est un travail au long cours. Sur les bords de la mer Baltique, le démantèlement de l'énorme centrale de Lubmin dure depuis 18 ans. Ici, les travailleurs ont acquis une réelle expérience de la déconstruction. Alors ici, nous nous trouvons au cœur du complexe nucléaire. En pleine exploitation, elle comptait entre 4 et 5 réacteurs. Et depuis 20 ans, on travaille ici au démantèlement de ces 5 réacteurs. Nous avons ici plusieurs milliers d'employés qui connaissent ce métier. Le pilotage, la surveillance, les techniques de manipulation spécifiques au démantèlement. Le savoir-faire est déjà là. Aujourd'hui, les étapes essentielles du démantèlement, c'est-à-dire vider et énucléer les anciens bâtiments, sont pratiquement terminées. Les travaux principaux seront achevés d'ici 2 ou 3 ans. En attendant une solution de stockage définitif, les déchets très surveillés de la centrale de Lubmin sont entreposés sur place. C'est un principe de base en Allemagne d'avoir dans chaque centrale en cours de démantèlement un lieu d'entreposage. Dans d'immenses hangars sont entreposés des dizaines de générateurs de vapeur issus du démantèlement de la centrale, des éléments fortement contaminés. Ces générateurs vont rester ici quelques années, le temps que leur radioactivité baisse. Si on les découpait maintenant, cela imposerait des mesures de protection très strictes. Et cela nous demanderait beaucoup de travail. Si nous attendons quelques décennies, le temps joue en notre faveur. Car les radionucléides ont une demi-vie pendant laquelle les éléments perdent une partie de leur radioactivité. Ainsi, nous pourrons les découper sans danger. Mais cela va prendre encore des décennies. Alors ils vont rester ici en attendant. « 1, bitte umdrehen. Les opérations de démantèlement de Lungmin seraient donc une réussite et la sécurité un souci permanent. 1, vielen Dank, keine Kontamination. Bitte durchgehen. Mais l'entreposage sur place de déchets nucléaires très contaminés ne rassure pas les écologistes. Heinz Wittmer vit à quelques dizaines de kilomètres de Lubmin et il fut de tous les combats dans les mouvements anti-nucléaires allemands. Là, c'est une de mes premières actions menées à Stuttgart. Nous sommes enchaînés à des fûts de béton, vous voyez ? J'ai les deux bras qui sont bloqués dans le béton. La présence de ces éléments radioactifs à Lubmin est en réalité définitive. Car je doute fort que quelqu'un vienne les récupérer un jour. Pour nous, il est évident que Lubmin est programmé pour devenir un centre de stockage pour d'autres centrales en Allemagne. Et dès que l'occasion se présentera, elle sera saisie. Après la réunification, les déchets nucléaires de l'ex-RDA sont devenus la propriété de la RFA. Donc la question se posait et une décision devait être prise. Où mettre ces déchets ? Quel est le meilleur endroit pour les traiter en attendant leur stockage définitif ? On dit qu'il ne s'agit que de stockage provisoire, mais nous savons qu'ils ont demandé une autorisation de stockage sans limite de durée. Il faudrait m'expliquer quelle est la différence entre les deux. La France et l'Allemagne ne savent que faire de leurs déchets nucléaires. Ils ne sont pas les seuls. Les États-Unis, qui affichent fièrement le score de 14 centrales nucléaires déjà démantelées, ne font pas mieux. Tout près de Wiscasset, qui se présente comme le plus beau village du Maine, les restes d'une centrale nucléaire sont encore visibles. La centrale nucléaire de Maine-Yankee, née en 1972, a été démantelée entre 1997 et 2005, avec des techniques parfois expéditives. Nous étions tous placés derrière une barrière pour se tenir à distance de l'explosion. Et les gens étaient là, avec leur bébé dans les bras ou dans des poussettes. Et quand tout a explosé, un nuage de poussière est arrivé droit sur nous. Et je me disais, là, ils vont trop loin. Un peu trop loin. Cette méthode radicale est à l'image de toute l'histoire de Maine-Yankee. Depuis sa construction, la centrale a connu de nombreux incidents. Elle a même contaminé les terres et les vaches de Ray Chadis. Et aujourd'hui, les déchets les plus radioactifs sont toujours là, à ciel ouvert. La société a proposé de couler une gigantesque dalle de béton et d'y stocker les 64 barils de 100 tonnes, les uns à côté des autres. Nous avons donc commencé à négocier avec eux, en passant par les tribunaux, bien sûr. Et on a réussi à obtenir qu'ils répartissent les barils en plusieurs groupes, sur des dalles séparées. La seule mesure de sûreté aura donc été de disposer ces tonnes de déchets à vie longue, de telle manière que des secours d'urgence puissent intervenir en cas de fuite radioactive, ce qui est toujours possible. Je pense que le démantèlement est achevé. Il n'est pas encore achevé sur ce site précisément, parce qu'il reste encore des déchets. Il faudra donc vérifier après, une fois qu'ils auront été déplacés, s'il reste des traces. Il y a parfois une contamination à la surface des conteneurs, causée par la pluie par exemple. Ce sera vérifié dès lors que les déchets seront déplacés, que ce soit sur un autre lieu de stockage, bétonné ou pas, ou sur un autre site. J'espère d'ailleurs que ce sera possible de le faire aux États-Unis, voire même de trouver un site géologique où on pourrait ne plus s'en préoccuper. Malgré des mois de négociations, nous ne pourrons pénétrer sur le site de l'ancienne centrale. Tout juste avons-nous pu apercevoir, de loin, le haut des cylindres de béton renfermant les déchets nucléaires. Ces déchets doivent disparaître. Tout le monde ici est d'accord. Pas parce qu'ils sont dangereux, mais car leur entreposage coûte trop cher. Pour être très clair, le coût du stockage de ces déchets, qui se trouve derrière nous, s'élève à 8 millions de dollars par an. Et ce coût est assumé par tous les habitants qui utilisent de l'électricité dans le Maine et la Nouvelle-Angleterre. Mais même si le gouvernement nous donnait de l'argent pour nous aider à assumer le coût de stockage, ça ne réglerait pas le problème principal. Comment se débarrasser de ces déchets? Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est combien de temps vont-ils rester ici? Il est possible que ça prenne du temps. Si je devais estimer, je dirais au moins 20 ans. Probablement 35 ou 40 ans. Ou peut-être même 100 ans, je ne sais pas. Le constat est clair. Il y aura toujours plus de déchets au fur et à mesure des démantèlements des centrales nucléaires. Ces déchets sont classés selon leur taux de radioactivité et leur durée de vie. Il y a d'abord les TFA, très faible activité. Il y a ensuite les FMA, les faibles et moyennes activités à vie courte ou à vie longue. Les MAVL, moyenne activité à vie longue. Et enfin, les hautes activités à vie longue. Que faire de tous ces déchets? La question n'est pas neuve. Voici 40 ans déjà, les responsables du commissariat à l'énergie atomique avançaient des solutions, parfois les plus invraisemblables, pour se débarrasser des déchets nucléaires. Parmi les solutions envisagées, il y en a beaucoup. Il y a ceux d'enfouissement par le mouvement des plaques océaniques, dont certaines plaques plongent sous les plaques terrestres, et par ce moyen, les déchets radioactifs qu'on mettrait à l'endroit où se fait ce mouvement de plaques pénétreraient dans la masse en fusion du globe. On les renvoie vers l'intérieur de la Terre. Exactement. Si le projet lié aux plaques tectoniques sera abandonné, les opérateurs français EDF, CEA et Areva auront longtemps la charge de la gestion des déchets nucléaires. Entre 1967 et 1969, ils ne s'embarrassent pas avec les problèmes de stockage. On balance les fûts de déchets radioactifs à la mer. En France, ce sera dans la Manche. On ne retrouvera jamais ces fûts immergés. Avec un sens aigu de la litote, le CEA jugera cette solution peu satisfaisante. Et c'est ainsi qu'en 1979 sera créée l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. La politique française de gestion des déchets, c'est de trouver une solution sûre et durable pour tous les types de déchets. Donc ça fait partie de la mission qui est confiée à l'ANDRA. Pour autant, bien sûr, nous sommes extrêmement attentifs à ce que la mise en œuvre pratique garantisse en permanence la sûreté. Et pour cela, l'ANDRA a tout pouvoir pour imposer les conditions à l'entrée des stockages, les conditions de qualité des colis, les conditions de conditionnement qui vont permettre de garantir que les déchets qu'on leur reçoit seront bien dans des conditions qui assurent leur sûreté sur toute la vie du stockage. La France s'est dotée de deux centres de stockage dans l'Aube. C'est à Morvilliers que sont stockés les TFA, les déchets de très faible activité, essentiellement des gravats et du béton, issus entre autres de la centrale de Brinilis. Des déchets qui disparaîtront sous une couche d'argile de plusieurs mètres avant que de la terre végétale donne au stockage son visage définitif. Quand arrive le samedi, sans faire de chichi ni faire de toilette, nous partons au galop avec mon costaud dans un bal musette. Où nous nous retrouvons, rien qu'entre mecton et vraie gigolette. Tournons, tournons, on fredonne au son de l'accordéon. Qu'est-ce qui dégote le foxtrot et même le chimi? Les pas anglais, la scottish et tout ce qui s'ensuit. C'est la java, la vieille mazurka du vieux Sébasto. Je lui ta ménesse, je suis ta gonzesse, tu es mon julot. Tout contre toi, serre-moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai tout ce que tu voudras. Quand tu me prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. J'aime ta casquette et le roux-plaquette et ton bout de mégot. Mais le boulevard Saint-Germain, les gens du gratin n'ont pas de principe. Dès que les puretins ont quelque chose de bien, il faut qu'ils nous le chipent. À présent les mondains essaient, mais en vain, de copier nos types. Et les poules de luxe dans les salons se pavent en chantant à leur michton. Qu'est-ce qui dégote le foxtrot et même le chimie? Les pas anglais, la scottish et tout ce qui s'ensuit. C'est la java, la vieille mazurka du vieux Sébasto. Je suis ta ménesse, je suis ta gonzesse, tu es mon jumeau. Tout contre toi, serre-moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai tout ce que tu voudras. Quand tu me prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. J'aime ta casquette, tes deux roues plaquettes et ton bout de mégot. Une petite revue de presse ? Eh bien, une petite revue de presse. Donc, une semaine après, à Rouen, nausées, maux de tête, questions sans réponse, les habitants, les professionnels de santé et les agriculteurs de la région de Rouen témoignent de leurs angoisses et racontent leurs interrogations, 6 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol. Remiremont, une ligne coupée par erreur prive la pizzeria d'activité. Le gérant d'une pizzeria à emportée de Remiremont a vu sa ligne téléphonique coupée par erreur. Oh. Depuis plusieurs jours, son activité est suspendue. Dépité et en colère, Julio Gonçalves ne sait plus quoi faire. Lui reste donc l'attente, désespérément. L'attente et j'espère aussi un peu la colère. Sur les traces du tueur de la préfecture, qui était vraiment Michael H. À l'heure d'un quadruple meurtre à Gonesse, Val d'Oise, du voisinage à la mosquée, où il s'en rendait jusqu'à il y a quelques mois, se dessine le portrait d'un homme très discret. Ah. Métastase, la lutte contre le terrorisme est une affaire trop sérieuse pour céder aux amalgames simplistes et ne pas se méfier des récupérations malsaines. Dieu merci, si l'on ose dire, toute personne qui se convertit à l'islam ne devient pas islamiste. Ah bon. Cela paraît une évidence. Mais face à la gravité de l'attaque, survenue jeudi au cœur du réacteur de la police parisienne, un sang-froid républicain s'impose. Ah, sang-froid républicain. Voilà l'idée qui est bonne. Le sang-froid républicain. Tiens, ah ben autre chose, qui demande du sang-froid aussi, la bourse. La bourse, eh bien, air liquide, bonne nouvelle, augmenté de 17,10%. Airbus, GRP, augmenté de 40,28%. Altran Techno, de 104,43%. Par contre, ArcelorMittal a baissé de 34,73%. BIC, vous savez, les stylos à billes, les briquets, etc. Eh bien, moins 28%. 28,77 même. Big Biomérieux, plus 33,91%. Tiens, ça va plutôt bien pour les laboratoires pharmaceutiques. Bouygues, plus 16,15%. Bureau Veritas, plus 27,10%. Capgemini, plus 21,95%. Coface, plus 25,47%. Edenred, plus 30,96%. EDF, moins 28,84%. Ah oui, les centrales nucléaires, elles nous coûtent de plus en plus cher. Eh oui, celles qu'on a construites en Finlande, par exemple, elles nous coûtent très cher. Ben oui, parce que elle est toujours pas finie et on paye des indemnités de retard. Voilà. Alors, comme ça, il y en a plein. Il y a trois colonnes, bien sûr. Voilà. Les actions en bourse. Les actions en bourse. Tiens, changeons complètement de sujet, encore que pour une justice au nom du peuple. C'était l'avenirencommun.fr, le programme de la France insoumise. Alors, que disait-il? Voyons voir un peu dans le détail. Le service public de la justice ne peut plus correctement assurer sa mission. Les tribunaux dépérissent. Les moyens humains et financiers manquent. Les justiciables et les professionnels sont en droit d'exiger un effort sans précédent. Ce que nous voulons, investir pour la justice, recruter des personnels pour désengorger les tribunaux et raccourcir les délais. Rénovation des locaux pénitentiaires et construction de tribunaux. Augmentation des effectifs des agents pénitentiaires pour garantir la dignité en prison. Changer de logique. Mettre fin au tout carcéral par des peines alternatives. Garantir la protection judiciaire de la jeunesse en privilégiant la prévention et en pratiquant des sanctions éducatives. Supprimer la Cour de justice pour soumettre les ministres à la justice ordinaire. Des lois rationnelles, désencombrer l'action policière par la législation du cannabis, légalisation du cannabis et le contrôle de la production et de la vente par l'État. Abroger les lois sécuritaires inefficaces et renforcer les politiques de prévention. Une politique judiciaire à la hauteur des ambitions d'égalité de tous devant la loi et qui refuse le deux poids deux mesures. Alors ça, c'était un programme électoral qui date de 2017. Eh oui, il est en cours d'actualité, au moins en grande partie. Hein? Eh oui. Alors voilà, quand on vote, il faut réfléchir avant. Après, c'est trop tard. Vosges, volontariat, sapeurs-pompiers, les Vosges inversent la tendance. Alors que le département subissait une érosion d'une cinquantaine de sapeurs-pompiers par an, le SDIS est parvenu en 9 mois à regagner 116 volontaires. Le colonel Demière et le capitaine Bonnard décryptent l'approche décomplexée dans leur feuille de route. Alors oui, des volontaires, des bénévoles partout. Des volontaires, des bénévoles. Et s'il y avait moins de volontaires et moins de bénévoles, peut-être qu'on embaucherait des professionnels, qu'on créerait des emplois. Oui, parce que rappelez-vous, 6 millions de chômeurs quand même. Hein, on n'est pas les champions du monde, non, mais on est quand même bien placé dans ce concours du chômage qui augmente, et qui ne diminue surtout pas, ni ici, ni là, ni ailleurs. Eh oui, bon, un jour les Vosges seront le premier département sans chômage, sans chômeur. Un jour, quand? Ah ben, un jour, voilà, un jour, sans doute. Paris, agression, attaque mortelle à la préfecture de police. Ce jeudi vers 13h, un agent, ça c'est déjà ancien, hein, de la préfecture a poignardé 5 de ses collègues, faisant 4 morts et une blessée grave avant d'être abattu. Au profil encore flou, l'assaillant s'était récemment converti à l'islam. Alors son profil est un peu moins flou maintenant, mais ça ne s'améliore pas beaucoup. Hein, monsieur, on soupçonne que M. Castaner n'était pas tout à fait à la hauteur comme ministre de... Bon, enfin oui, bon, on verra bien. C'est ancien, hein. C'est ancien, mais ça perdure. Macron veut repenser les retraites et les carrières. Eh oui. Répondant aux lecteurs de la presse régionale participant à ce grand débat, entre majuscules à grand débat sur les retraites, le chef de l'État a posé comme préalable le déficit zéro du régime général en 2025. Il a surtout élargi la concertation aux carrières. Oui, le problème de la retraite, c'est comme le problème du chômage. C'est un problème général de fonctionnement de la société. La société est entièrement malade, pas seulement le bras gauche ou la jambe droite ou la joue gauche ou l'oreille droite. Non, non, la société est à revoir de fond en comble. Il faut revoir la constitution de la 6e République, il faut créer la 6e République, et puis il faut revoir aussi toutes les lois qui viennent derrière pour améliorer les choses de façon considérable et durable. Alors, autre chose, tiens, on change d'époque, on change complètement d'époque. Comment la police de Vichy s'est totalement soumise aux nazis ? Rien à voir, bien entendu, avec la situation actuelle. Longtemps passée sous silence, tabou, la police de Vichy a pourtant eu un rôle déterminant dans la collaboration avec les Allemands. Sans elle, ils n'auraient jamais été capables de rafler autant de Juifs de France. Dans un remarquable documentaire à voir sur France 3 le 19 septembre, Laurent Joly et David Cornbrozonza reviennent sur l'histoire indigne de nos forces de l'ordre. Histoire indigne de nos forces de l'ordre. La police française a réalisé jusqu'ici une tâche digne d'éloge, entre guillemets. 5 jours après la rafle du Veldiv, le général en chef de la SS en France, Karl Oberg, acclame en ces mots les forces de l'ordre françaises. Elles viennent d'orchestrer et de réaliser une opération colossale, arrêtant 13 152 juifs parisiens en quelques jours. Peu connue, la police française est pourtant la principale force du régime de Vichy et le principal atout de la collaboration, rappelle le documentaire « La police de Vichy » diffusé sur France 3, mercredi 19 septembre, en prime time. Ah, tu dis prime time, toi. Ah bon, ben en prime time, alors. À 20h55. Eh oui, moi je connais que le plateau de Remiremont est des environs. Ce film revient sur la proximité extrême des forces de l'ordre avec le régime nazi jusqu'à la libération. Le brillant historien Laurent Joly y pointe une réalité déchirante. Les flics français ont une grande responsabilité dans l'extermination des Juifs. Sous l'état dictatorial de Pétain, c'est la police de Vichy qui a largement collaboré avec la Gestapo, renflant les Juifs, les réfugiés politiques, les communistes, les résistants, ou encore donné les noms d'otages à exécuter aux Allemands. Un soldat SS avec un policier français, alors mémorial de la déportation, des camps d'internement en zone libre, surveillés par les Français. Voilà. Hein, affaire à suivre. Ensuite, eh bien, tiens, changeons de sujet. Encore que, on est encore toujours dans la même époque. IG Farben était le plus grand bailleur de fonds de la campagne électorale d'Adolf Hitler. IG Farben. Un an avant qu'Hitler prenne le pouvoir, IG Farben fait don de 400 000 marks à Hitler et à son parti nazi. En conséquence, après la prise du pouvoir par Hitler, IG Farben était le plus grand profiteur de la conquête allemande du monde, la Seconde Guerre mondiale. 100% de tous les explosifs et de toute essence synthétique provenaient des usines IG Farben. Chaque fois que la Wehrmacht allemande conquit un autre pays, IG Farben suivit, reprenant systématiquement les industries de ces pays. Grâce à cette collaboration étroite avec la Wehrmacht d'Hitler, IG Farben a participé au pillage de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Norvège, de la Hollande, de la Belgique, de la France et tous les autres pays conquis par les nazis. L'enquête du gouvernement des États-Unis sur tous les facteurs qui ont mené à la Seconde Guerre mondiale en 1946 est arrivée à la conclusion que sans IG Farben, la Seconde Guerre mondiale n'aurait tout simplement pas été possible. Nous devons nous attaquer au fait que ce n'était pas le psychopathe Adolf Hitler, ni les mauvais génies, les mauvais gènes du peuple allemand qui ont provoqué la Seconde Guerre mondiale. La cupidité économique de sociétés comme Bayer, à tenir, BASF et Hoechst a été le facteur clé dans la réalisation de l'Holocauste. Yeah.